Chant numéro 13. Que celui qui prétend voir ce que moi j'ai vu imagine, et qu'il garde aussi ferme qu'un roc cette image, le temps que dure mon discours. 15 astres resplendirent dans des points différents du ciel, en y mettant une telle clarté qu'elle transpercerait n'importe quel brouillard. Qu'il imagine aussi ce char que notre ciel garde dans son giron la nuit comme le jour, et qui reste visible en virant du timon. Qu'il imagine un corps avec son pavillon, et dont le but commence à la pointe de l'axe autour duquel se meut la première des sphères, dessinant sur le ciel de ses astres deux signes, pareils à ceux que fit la fille de Minos lorsqu'elle ressentit les affres de la mort, et que, l'un se baignant dans les rayons de l'autre, ils tournent tous les deux, mais de telle manière que l'un va vers d'abord et l'autre vers tantôt. Il pourra voir alors du vrai groupe d'étoiles l'ombre ou peut-être moins, et de la double danse qui tournait tout autour du point où je restais. Car elle surpassait tout ce que nous savons, de même que le cours du ciel le plus rapide surpasse sur le sol le cours de la Kiana. Là-haut, on ne chantait ni Bacchus ni Péan, mais de la Trinité la nature divine, avec l'humaine en plus chez l'un seul de ces trois. La mesure finit du chant et de la danse, et ses saintes splendeurs se tournèrent vers nous, et chaque soin nouveau rendait leur feu plus vif. Le bienheureux silence à la fin fut rompu par la même clarté par qui du petit pauvre de Dieu j'avais d'abord appris la belle histoire. Quand déjà, me dit-il, d'une paille broyée, la graine est recueillie et rentrée au grenier, le doux amour m'invite à t'en fouler une autre. Tu penses que le sein d'où l'on tira la côte qui servit pour former cette belle figure dont vous payez si cher le palais trop gourmand, de même que celui qui, percé par la lance, expia tant l'après que l'avant, tellement qu'aucun péché ne peut emporter la balance. Autant qu'il est permis à l'humaine nature d'acquérir de lumière, ils l'eurent tous les deux des mains de ce pouvoir qui les fit l'un et l'autre. C'est pourquoi t'as surpris ce que j'ai dit plus haut, alors que j'affirmais qu'il n'eut pas de second cet heureux que contient la cinquième clarté. Mais ouvre maintenant les yeux à ma réponse. Tu verras ta croyance aussi bien que mes dires comme le centre au cercle englobé dans le vrai. Ce qui n'a pas de mort et ce qui peut mourir, l'un et l'autre, ne sont qu'un reflet de l'idée qu'engendre le Seigneur au moyen de l'amour. Car le vivant éclat qui se diffuse ainsi de celui qui l'a fit, mais sans se séparer de lui ni de l'amour qui fait trois avec eux, grâce à sa qualité, rassemble les rayons et les reflète ensuite à travers neuf substances, en restant elle-même éternellement une. Elle descend ensuite aux dernières puissances, en passant d'acte en acte, et s'affaiblit au point qu'il en sort seulement de brèves contingences. Or, quant à celle-ci, j'appelle de ce nom les êtres engendrés, qu'avec ou sans semence, le mouvement du ciel pousse vers l'existence. La cire n'était pas la même dans ces astres, ni ceux qui l'ont pétrie, et c'est pourquoi d'en bas brille diversement leur essence idéale. Ce qui fait que parfois le même arbre produit des fruits plus ou moins bons, mais de la même espèce, et que l'on trouve en vous de si divers génies. Si la cire était prise à son meilleur moment et la vertu du ciel au degré le plus haut, la clarté de l'empreinte y brillerait entière. Mais la nature fait qu'il y manque toujours quelque chose et travaille à l'instar de l'artiste qui connaît bien son art, mais que la main suit mal. Mais si le chaud amour trace et en prend lui-même le portrait lumineux de la vertu première, le sceau qui s'en dégage est parfait en tout point. C'est ainsi qu'autrefois il a créé la terre, digne de recevoir un animal parfait. C'est de cette façon que la Vierge conçut, en sorte que j'admets ton premier point de vue, que le savoir humain ne fut et ne sera jamais aussi parfait que dans ces deux personnes. Or, si je m'arrêtais sans m'expliquer plus loin, ton premier mouvement serait pour demander « Comment donc celui-ci n'eut-il pas son pareil ?» Pour que te semble clair ce qui paraît obscur, pense quel homme il fut et quelle était l'envie qui lui fit demander lorsqu'on lui dit « Demande ». J'ai parlé de façon que tu puisses comprendre qu'il voulut, étant roi, demander la sagesse pour être suffisant dans son rôle de roi, et non pas pour connaître exactement le nombre des moteurs de là-haut, ni si le nécessaire avec le contingent donne du nécessaire. Ni si dare est primum motum esse non plus, ni comment obtenir que dans un demi-cercle soit inscrit un triangle aux trois angles aigus. Si j'ajoute ces mots à tout ce qui précède, la prudence royale est la seule sagesse où s'adressait tantôt le trait de mon dessein. Et si d'un œil serein tu regardes Surgi, tu verras qu'il ne peut se rapporter qu'aux rois, qui sont assez nombreux, mais rarement parfaits. Entends donc mes propos avec cette réserve. Je ne contredis plus ainsi ce que tu crois sur notre premier père et sur le bien-aimé. Et que ceci te soit toujours du plomb aux pieds pour te faire avancer lentement, comme l'as, vers le oui, vers le non, que tu n'aperçois pas. Il faut que celui-là soit un sot et des grands qui, sans examiner, affirment ou bien contestent quand dans un sens quelconque il donne son avis. Il arrive en effet que l'on voit bien souvent l'opinion des gens s'incliner vers l'erreur, et l'amour-propre sert d'entrave au jugement. Qui veut pêcher le vrai sans en connaître l'art s'éloignera du port pique inutilement, car il ne rentre pas tel qu'il était parti. Vous avez de cela des preuves évidentes dans le monde, où Brison, Mélissus, Parménide et d'autres sont partis sans savoir vers quel but, comme Sabellius, Arius et ces fous qui pour les saints écrits furent comme l'épée qui d'un visage droit en fait un de travers. On doit bien se garder de trop précipiter le jugement, pareil à ceux qui de leur blé fixe le prix sur pied avant qu'il n'ait mûri. Car j'ai vu bien souvent quelques buissons paraître durant tout un hiver sec et couvert d'épines, et au printemps garnir de rosée le sommet. Et j'ai vu le bateau glisser facilement sur l'eau, cinglant tout droit pendant la traversée, et sombrer à la fin à deux brasses du port. Donc, que Madame Berthe et le sieur Martin, ayant vu l'un voler, l'autre faire l'aumône, n'aillent pas préjuger du jugement du ciel, car ils peuvent les deux s'élever ou tomber.